بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ceci est la traduction du deuxième cours de Cheikh Al-Bouti رحمه الله sur les sagesses d'Ibn Ata'illah al-Sakandari, al-Hakam. Et pour lever toute ambiguïté, en fait, juste rappeler que pendant toutes les audios, c'est le Cheikh Al-Bouti رحمه الله qui parle, c'est-à-dire que je rapporte de manière la plus approchée possible ses propos, sauf mention du contraire quand j'interromps pour dire, pour donner peut-être une remarque sur la traduction qui va pas ou qui est difficile ou voilà. Donc c'est parti. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, Seigneur des univers, et les meilleures bénédictions et salutations sur notre maître Muhammad et sur l'ensemble de sa famille et de ses compagnons. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion, ennoblis-nous par la lumière de la compréhension, ouvre-nous à la connaissance de la science, adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience, et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Ceci est le deuxième cours de la série des Durus, dans laquelle nous faisons l'explication des sagesses d'Ibn Ata'illah al-Sakandari, qu'Allah lui fasse miséricorde. J'ai reçu des questions un peu précipitées sur la première sagesse, précipitées dans le sens où on n'a pas encore fait son explication détaillée. Nous l'avons à peine lu et commenté en très peu de mots. Donc ces frères qui se sont empressés trouveront, inshallah, la réponse à leurs questions dans la suite. Un autre frère dit « Vous avez évoqué dans la conférence précédente le hadith où il dit, j'imagine que par « il », le frère voulait dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais que la nervosité a dû lui faire oublier. » اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم. Récitez l'ouverture du livre, la Fatiha, sur vos janaïs, sur vos morts. Le frère dit, ce sur quoi il n'y a absolument aucune divergence, ce sur quoi il n'y a pas même deux personnes en désaccord, c'est que le sens du hadith est la lecture de la Fatiha lors de la prière mortuaire. Mais pas sur les morts de manière générale. Toute la communauté s'accorde à l'unanimité à dire que la lecture avant ou après l'enterrement est une innovation. Remarquez le sectarisme dans la question de ce frère. Mon frère, d'où sors-tu qu'il n'y a pas deux personnes en désaccord sur le sens du hadith tel que tu l'as évoqué? Ça, c'est ce sur quoi tu es en accord avec toi-même. Ça, c'est ton avis personnel. Quant au hadith, ce qu'il dit, c'est « lisez la Fatiha sur vos morts ». Comment aurions-nous le droit de lier ce propos absolu et sans condition à la prière des funérailles? Ce qui est cité de manière absolue et sans condition s'applique de manière absolue et sans condition. D'où nous viendrait-il de dire « Ah, ça veut dire lisez la Fatiha dans la prière ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arabe éloquent qu'il était, aurait très bien pu dire « lisez la Fatiha dans la prière mortuaire ». « Iqra'u fatihat al-kitabi fi salati ala janaizikum ». Mais le mot de prière n'est pas présent. Mais si ce frère qui s'est totalement accordé avec lui-même et qui nous a rapporté cette unanimité intrapersonnelle, cet accord avec lui-même, s'obstine à dire que le sens du hadith est celui qu'il lui a donné, alors il ne faudrait, selon ses dires, pas lire dans la prière mortuaire autre chose que la Fatiha. Parce que si nous comprenons le hadith de cette façon, et que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a ordonné dans cette prière que la Fatiha, alors les invocations que nous faisons lors de cette prière ne sont pas nécessaires, et la bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas nécessaire non plus. Puisqu'alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous aurait appris cette prière comme une simple lecture de la Fatiha. Reviens aux savants de la science du hadith, mon frère, qui ont expliqué ce hadith. Tu n'en trouveras pas un qui dit de telles choses. Il se peut qu'il y ait des gens comme toi qui donnent leur avis comme ça. Ça, c'est un avis. Et il vient de toi. Mais reviens vers toi-même et tu verras que ce que tu dis est contraire aux règles de base de l'exégèse des textes. Allahul mutlaq yajri ala itlaqi. Ce qui est cité sans condition et de manière absolue s'applique sans condition et de manière absolue. Autre chose, le frère dit même, toute la communauté s'accorde à dire que la lecture de la Fatiha avant ou après l'enterrement est une innovation. Mon frère, pourquoi tu dis ça? Ceci est un mensonge. La communauté s'accorde sur le fait que c'est une innovation. Reviens au livre des Furuq d'Al-Faraqi, les distinctions d'Al-Faraqi, Al-Qarafi, un savant de Madhab Malikite. J'imagine que le frère demandeur est aussi de madhab malikite, car sa façon d'écrire est marocaine tout comme son sectarisme. Tu verras que Al-Kharaf y parle dans une section particulière de la lecture du Coran sur les morts, et il dit « les savants ont divergé ». Certains d'entre eux ont dit que la récompense de la lecture par le vivant parvient aux morts si le lecteur termine la lecture par une invocation en disant « Allahumma inni as'aluka an tahaba mithla thawabi hadhihi tilawati ila fulan ». Ô Allah, je te demande d'accorder l'équivalent de la récompense de cette récitation à un tel. Ceux qui ont dit ça, parmi les savants, se sont basés sur un indice dans le Coran. A'udhu billahi minashtan rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, appelez-moi et je vous répondrai, et je répondrai à votre appel. Donc si tu récites le Coran en couronnant ta récitation par l'invocation, ô Allah, si tu as accepté ma récitation, je te demande d'accorder l'équivalent de cette récitation à mon proche défunt, un tel ou un tel, la parole d'Allah, pureté et toute puissance à lui, appelez-moi et je vous répondrai, voudrait que la récompense arrive en effet. Mais il y a un autre avis parmi les savants de jurisprudence, qui dit que la récompense n'arrive pas. Donc la question est une question de divergence. Ne te précipite pas, monsieur. Reviens au livre de jurisprudence et tu liras ses propos. Et tous les livres de jurisprudence, quand ils parlent de la lecture du Coran sur les morts, évoquent cette divergence. De plus, Al-Qarafi, l'un des plus éminents, des plus brillants savants malikites, dit « La bonne précaution voudrait qu'on lise. » Comment ça ? La divergence ne porte pas sur le caractère autorisé ou interdit de la lecture. La divergence porte sur le fait que la récompense arrive ou n'arrive pas. Bon, de toute façon, tu lis le Coran et tu es récompensé. Puis tu dis, oh Allah, j'offre la récompense de cette lecture à un tel, par exemple. Il se peut que la récompense arrive, et il se peut qu'elle n'arrive pas. Lorsque ton cœur brûle pour un proche défunt, que fais-tu ? Tu dis, par Allah, je vais réciter. Dans tous les cas, moi j'aurai une récompense. Si, comme l'avis qui dit qu'elle arrive, la récompense arrive en effet, tant mieux. Et sinon, quoi qu'il arrive, j'aurai lu. Et Allah m'aura ennobli par cette récitation. Voilà un propos logique. Et hier, alors que l'un des frères me posait la question, je lui ai donné un exemple. Je lui ai dit « Tu as un parent proche aux États-Unis et tu veux lui envoyer des bonbons, des sucreries. Dans ton entourage, certains te disent « Par Allah, la douane empêche ce genre de nourriture de passer dans l'endroit où il est. À l'aéroport, ils peuvent refuser de faire entrer ça. » D'autres t'ont dit « Si, si, si, c'est faisable, il est permis de faire entrer des sucreries, il n'y a pas de souci. » Tu te trouves alors perplexe. Et ton proche, disons ton fils, tu l'aimes beaucoup. Que vas-tu faire par Allah ? Tu vas te dire « Allez, je vais le faire au cas où. C'est quoi ? 1000 livres, 2000 livres, tant pis. » Petite note de traduction, livre, c'est la, petit rappel, c'est la monnaie syrienne. « Oui, j'envoie le colis. S'il arrive, c'est bien, et sinon, Allah me le remplacera, n'est-ce pas ?» Il y a divergence sur la question. Ne dis plus ce genre de choses et demande pardon à Allah pour ses paroles inutiles, mon frère. Il n'y a pas unanimité de la communauté sur cette question. Reviens sur le livre d'Al-Qarafi et regarde de quels savants ont dit que la récompense arrive et lesquels ont dit le contraire. Mais toi, tu as eu envie de dire ce que tu as dit et pour cela, tu as changé le sens, tu as tordu le cou du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière. Le mot prière n'est pas présent, pourquoi fais-tu intervenir un mot absent du texte ? Lisez la Fatiha du livre, lisez la Fatiha du livre sur vos morts. Ce qui est cité de manière absolue et sans condition s'applique de manière absolue et sans condition. Règle qui fait consensus. Et si tu t'obstines, ça veut dire que pour toi, dans la prière mortuaire, il n'y a que la Fatiha, l'ouverture. Et ça, personne ne l'a jamais dit. Maintenant, nous revenons à la première hikmah, la première sagesse, qu'on a eu à peine le temps de survoler au cours précédent. Ibn Ata'illah d'Alexandrie dit « Min alamati al-i'timadi 'ala al-'amal nuqsan ar-raja'i 'inda wujudi az-zalal. » Parmi les signes montrant que l'on compte sur ses actions, il y a le fait que l'espoir faiblit lorsqu'on commet des erreurs. Cette sagesse par laquelle Ibn Ata'illah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a ouvert son livre des hikam se rapporte entièrement à la doctrine de l'unicité. Les sagesses d'Ibn Ata'illah sont partitionnées. La première section nourrit et approfondit cette doctrine de l'unicité. La seconde section traite du comportement. La troisième traite du cheminement, de la purification de l'âme. Avant de commencer l'explication de cette sagesse, rappelons une règle de base de la croyance islamique. L'auteur de Jawharatut Tawhid, le joyau de l'unicité, qui est un poème, écrit « فَإِنْ يُثِبْنَا فَبِمَحْذِ الْفَضْلِ وَإِنْ يُعَذِّبْ فَبِمَحْذِ الْعَدْلِ » S'il nous récompense, c'est uniquement par sa grâce, et s'il châtie, ce n'est que justice. Voilà la doctrine dont doit se teindre tout musulman. Et c'est sur cela que sont restés les pieux prédécesseurs, puisse Allah être satisfait d'eux. S'il nous récompense, c'est uniquement par grâce. On pourrait dire, mais pourquoi? S'il nous récompense, c'est par les bonnes actions que nous avons réalisées. Si tu regardais plus profondément les choses, si tu méditais dessus, tu comprendrais qu'il n'en est rien. Que veux-tu dire quand tu dis, en fait, si Allah me récompense, c'est par mes bonnes actions. S'il me fait entrer au paradis, c'est par mes actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah, le Tout-Puissant, aurait fixé une valeur au paradis. Cette valeur ne serait pas en pièces d'argent, pas en liquidité monétaire, mais elle serait représentée par des actes d'adoration, d'obéissance, par le fait de s'en tenir à des ordres et de s'éloigner d'interdits. Et moi, bah, j'ai fait ça, ces actes d'obéissance, je m'en suis tenu aux ordres, je me suis éloigné des interdits, j'ai donc fourni le prix demandé, j'ai donc droit à la marchandise que j'ai achetée. Voilà le sens de tes paroles, quand tu dis « je suis récompensé par les actions que je fournis ». En est-il ainsi, mes frères ? Quand tu t'en tiens aux ordres prescrits par Allah le Tout-Puissant, tu deviendrais par la sueur de ton front une personne qui a mérité le paradis, comme une personne qui achèterait une certaine surface de terre et qui aurait payé le dû de cette terre? En est-il ainsi? Si tu y réfléchis, tu verras que la vérité est aussi éloignée de ça que ne le sont les cieux de la terre. Quand je paye le prix de ce jardin avec mes pièces d'argent, comme me l'a demandé le vendeur, c'est sans aucune faveur de ce vendeur, aucune. Je possède ce jardin et j'ai même le droit de lui dire « sors ». Car je t'ai donné la somme entière et rien n'y manque. Et en effet, le vendeur a pris de moi cette somme qu'il ne possédait pas auparavant, et moi j'ai pris ce jardin que je ne possédais pas non plus auparavant. Ça, c'est la réalité de la relation entre deux humains, entre deux serviteurs d'Allah. Mais lorsqu'Allah t'ordonne des actes d'obéissance et t'interdit le prohibé dont il t'a averti et que tu obéis, ton cas est-il le même que celui qui a payé de son propre argent le prix du jardin? Qui t'a permis de prier? Qui t'a permis de jeûner? Qui a ouvert ta poitrine à la foi. Yamunun alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Comme il est dit dans le Coran, ils te rappellent leur soumission comme une faveur de leur part. C'est Allah plutôt qui vous rappelle comme une faveur de sa part qu'il vous ait guidé vers la foi. Il y a donc une grande différence. Et on peut aussi citer qui est donc celui qui se désigne ainsi? Habbaba ilaykumul iman wa karraha ilaykumul kufra wal fusuq wal asyan. Habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuq wal asyan. Qui donc vous a rendu cher la foi, l'a embellie dans vos cœurs, tout comme il vous a fait détester la mécréance, la perversité, la désobéissance? Allah, pureté et toute puissance à lui. Qui t'a ouvert la poitrine au fait d'aller dans une des maisons d'Allah, les mosquées, pour prier en groupe, puis rester assis à écouter ce qui te rapproche d'Allah, pureté et toute puissance à lui? Qui? Allah, pureté et toute puissance à lui. Donc, ce que tu pouvais t'imaginer comme un prix que tu dépenses de ta propre possession dans le but d'acquérir le paradis d'Allah, comme celui qui a payé le prix du jardin de son propre argent, eh bien, ceci est une comparaison qui ne tient pas la route entre deux situations très différentes. Oui, donc tu n'as même pas le droit d'imaginer que tu mérites. Portez attention à mon propos car il est précis, tu n'as pas le droit de t'imaginer que tu mérites le paradis d'Allah car tu aurais fait ce qui t'est demandé en lui obéissant et en s'éloignant de ce qu'il t'a interdit. Tu n'as pas à penser cela. Et si tu te mettais à le penser, ce serait un des types les plus graves d'association à Allah. Comment cela? Ce genre de pensée veut dire que tu crois que ta prière vient d'une capacité qui t'est inhérente, qui vient proprement de toi, et que tu l'as fait comme une faveur que tu donnerais à Allah. Et que tes actes d'obéissance qu'Allah t'a ordonné, tu les fais par des mouvements de ton être. Être que tu posséderais toi-même, par une capacité que tu posséderais toi-même. Tu posséderais donc tes actes et tes capacités, et le Créateur n'aurait rien à voir là-dedans. Et ainsi, tu lui aurais servi ses actes d'obéissance sur un plateau, en lui disant « Voilà tes ordres, je les ai remplis par ma capacité, par mon être, par mon action. Donne-moi donc le paradis que tu m'as promis. » Ça, mes frères, ça, c'est de la vente et de l'achat. Je t'ai donné le montant, et il est donc de mon plein droit d'exiger ce que j'ai acheté. Trouvez-vous ça normal? Si tu dis cela, tu es sorti de ta nature d'esclave d'Allah, et le sens de ton esclavage, de ta servitude envers Allah le Tout-Puissant, t'a été occulté. Où es-tu des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait dans le hadith Qudusi? La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de pouvoir et de force que par Allah. Où es-tu de cela? Où es-tu de la certitude croyante, ne souffrant d'aucun doute, qu'Allah est le créateur des actions de ses esclaves, ses serviteurs? Qui crée les actions de ses serviteurs? Cela ne fait pas longtemps depuis nos cours de doctrine. tous les pieux prédécesseurs et les gens de la Sunna et du consensus sur leurs traces, représentés par les Ash'arites et les Maturidites, disent bien qu'Allah est le créateur des actes de l'homme. Donc, quand je loue Allah avec ma langue, quand je dis Alhamdulillah, je dois remercier Allah parce qu'il a fait bouger ma langue. Et quand je me lève dans la nuit noire pour prier, je dois remercier, complimenter Allah pour m'avoir permis cette prière entre ses mains, ce qiyam. Si ce n'était son amour pour moi, comme le disait la servante, si ce n'était son attention pour moi, sa délicatesse envers moi, je me serais noyé dans mon sommeil profond et je ne me serais pas levé pour prier du tout. Je pense vous avoir déjà raconté l'histoire de cette servante à une occasion antérieure. Il s'agit d'une jeune fille, d'une fille pieuse, qui travaillait pour une famille. Une nuit, le chef de famille se réveilla et vit la fille prier dans un coin de la maison. Et il l'entendit dire, durant sa prosternation, « Oh Allah, je te demande par ton amour pour moi de me rendre heureuse, de préserver ma santé, d'être généreux envers moi, etc. » Elle lui demandait tout ce qu'elle voulait. Mais elle demandait ça en disant « Je te demande par ton amour pour moi. » L'homme n'a pas trouvé cette parole appropriée. Quand elle finit sa prière, il lui dit « Qu'est-ce que c'est que cette manière de faire la chouchoute avec Allah ?» Tu dois plutôt dire « Oh Allah, je te demande par mon amour pour toi de me rendre heureuse, etc. etc. » Elle lui répondit « Maître, si ce n'était son amour pour moi, il ne m'aurait pas réveillé à cette heure. Si ce n'était son amour pour moi, il ne m'aurait pas permis cette prière en face de lui. » Remarquez bien les frères, c'est ça la doctrine d'unicité dont devrait se teindre tout musulman. Comment peux-tu considérer ta prière comme une faveur donnée à Allah alors que c'est Allah lui-même qui t'y a assisté, qui t'a permis de la faire? Oui, ça, c'est le principe arboré par l'auteur du joyau de l'unification, Jawharatu Tawhid, et tous les savants de la doctrine, quand ils disent « فَإِنْ يُثِبْنَا فَبِمَحْضِ الْفَضْلِ وَإِنْ يُعَذِّبْ فَبِمَحْضِ الْعَدْلِ » S'il nous récompense, c'est uniquement par grâce, et s'il châtie, ce n'est que justice. Nous, nous parlons de la première moitié, bien entendu, celle de la grâce. C'est là qu'une question peut se poser à l'esprit. Eh bien, si les choses sont ainsi, Allah le Tout-Puissant n'a-t-il pas dit dans le Coran « Utrulul jannata bima kuntum tarmalun » Entrez au paradis pour ce que vous œuvriez. Le Créateur, pureté et toute puissance à lui, n'a-t-il pas répété ça, ce genre de propos plusieurs fois? Si, il l'a dit, plusieurs fois même. Mais remarque, mon frère, puisse ton amour pour Allah augmenter, puisse ton sentiment de servitude envers Allah augmenter, puisse ce sentiment t'absorber encore plus, remarque que ces paroles sont unilatérales. Elles viennent d'un seul côté, pas des deux. Allah, à lui la pureté et la toute puissance, permet tes actes. Il t'inspire l'exactitude. Et tu mugis, tu te répands en supplication à sa porte, en disant « Oh Allah, sans toi, je n'ai ni pouvoir ni force. » En disant « Nasiyati biyadik, tusarrifuha kama tasha, fakhudh biha ila tariq as-sa'adati war-rashad. » Mon front, mon être est entre tes mains, et tu l'orientes comme tu le veux. Amène-le donc sur le chemin du bonheur et de la bienguidance. Le Créateur, à lui la pureté et la toute-puissance, répond à ton invocation. Il ouvre ta poitrine au bien, il ouvre ta poitrine aux bonnes œuvres. Il te permet ces bonnes œuvres et t'y assiste. Après quoi il te dit au jour de la résurrection « Udkhulul jannata bima kuntum tarmalun » Entrez au paradis pour ce que vous œuvriez. Est-ce qu'il s'agit de signer, comme ils disent, un contrat entre deux parties, avec signature du vendeur et de l'acheteur? Non. Le Créateur, pureté et toute puissance à lui, par amour et par grâce, a fait de tes actes une cause d'entrée au paradis, a fait de tes actes une cause de cette récompense, par grâce, par charité. Mais si tu t'imaginais que les choses ne sont pas ainsi, et que tu disais « Oui, en effet, je suis entré au paradis par mes actions », si Allah, pureté et toute puissance à lui, détaillait ton jugement et te jugeait de manière pointilleuse, tu n'aurais alors plus aucun droit, aucun. C'est une faveur, une grâce de sa part que de dire « Entrez au paradis pour ce que vous œuvriez ». Par sa grâce, il a fait en sorte que ton œuvre appelle à ton entrée au paradis. Je rapproche ce propos d'un exemple, et à Allah l'exemple suprême. Je rapproche ça de l'exemple d'un père qui dirait à son fils, pour l'encourager dans le bien, « Si tu donnes à ce pauvre cet argent, je t'offrirai un cadeau ». En disant cela, le père met de l'argent dans la poche du fils. Ainsi, le père habitue le fils à aimer ce genre d'action. Voilà donc l'enfant qui donne au pauvre l'argent de son père. Son père lui dit alors « Bravo, tu as fait quelque chose de grandiose en ayant fait preuve de générosité envers ce pauvre. Je dois te récompenser pour cette action. » Bien sûr, ça c'est une façon de l'éduquer. Qu'a fait cet enfant en somme? Cet argent qu'il a donné était l'argent de son père. Son père qui a certainement, par ailleurs, incité sa femme à faire aimer à l'enfant ce genre d'action. Et à la fin de tout ça, le père dit « Tu as accompli quelque chose de grandiose et je dois te récompenser pour ça. » La parole d'Allah, le Tout-Puissant, « Utrulul jannata bima kuntum tarmalun » Entrez au paradis pour ce que vous œuvriez, et de cet ordre-là. Il a été rapporté dans plusieurs textes qu'un serviteur, un esclave d'Allah, dira le jour de la résurrection « Oh Allah, juge-moi par ta justice, non pas par ta miséricorde. Voilà, moi j'ai vécu toute ma vie sans te désobéir, sans commettre d'actes répréhensibles. » Bon, Allah lui rappelle alors un bienfait qu'il lui a accordé, celui de la vue. Un bienfait et un seul seulement. As-tu correctement remercié Allah pour tes yeux fonctionnels ? Mais ce bienfait que je t'ai accordé d'un côté, et mais toutes les actions que tu as réalisées, celles dont tu penses qu'elles te font mériter le paradis d'Allah, mets-les de l'autre côté. Est-ce que tes actions, tes obéissances valent et compensent le bienfait de la vue dont t'as fait jouir Allah dans la vie ? Pas du tout. Puis qui t'a donné la force d'effectuer les actes d'obéissance par lesquels tu veux entrer au paradis en mettant de côté les miséricordes d'Allah, pureté et toute puissance à lui ? Qui t'a ennobli en ouvrant ta poitrine à de tels actes ? Qui a bougé ta langue ? Si tu remarques tous les bienfaits d'Allah dans lesquels tu es noyé toute ta vie, tu verras qu'un seul, un seul instant de ces bienfaits vaut plus que tous les actes d'obéissance que tu as pu réaliser. Tu es un esclave d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Par sa capacité, tu lui obéis. Par sa miséricorde, tu vas vers lui. Par sa miséricorde pour toi, tu fais des pas vers lui. C'est pour cela que je dis, comme disait mon défunt père, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ô Seigneur, je te remercie. Mais c'est toi-même qui m'inspire ce remerciement. Mon remerciement requiert donc que je te remercie pour ce remerciement. Et de là, les choses s'enchaînent. Oui, tu es le créateur de toutes choses, tu es celui qui prend soin de tout. Ce propos est devenu clair. Le Créateur, à lui la pureté et la toute-puissance, dit « Entrez au paradis pour ce que vous œuvriez. Ceci est un contrat unilatéral. Nous devons savoir que nous entrons au paradis par la grâce. Il t'a chargé de faire ce qu'il t'a ordonné. Et quand tu fais ce qu'il t'a ordonné, tu dois savoir que tu recherches Allah le Tout-Puissant en faisant abstraction de toute autre chose, n'ayant devant toi que l'envie, l'espoir de sa miséricorde. » Oui. Un homme pieux vit en rêve un autre homme pieux. Un homme de Dieu défunt. Il demanda au défunt, « Comment Allah, le Tout-Puissant, t'a-t-il jugé ? Et qu'as-tu trouvé ?» Le défunt lui répondit, « Allah m'a fait comparaître entre ses mains et m'a demandé, « Avec quoi me viens-tu ? Avec quels actes d'obéissance ?» Je lui répondis, « Ô Seigneur, je suis un esclave. L'esclave et tout ce qu'il possède sont la possession de son maître. Je suis venu avec l'envie, l'espoir de ta générosité. Et je ne suis pas venu à toi avec quoi que ce soit qui serait ma possession. L'esclave vient seul. Il ne vient pas avec des choses qu'il offrirait à son maître. Mais qui est-il pour donner des choses à son maître ? Alors que lui-même et tout ce qu'il possède appartiennent à ce maître. » Voilà le sens des paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, d'après Abu Huraira, mais aussi d'après notre mère Aisha, et aussi d'après Abu Sa'id al-Khudri, et rapporté de plusieurs manières, et même d'autres rapporteurs que Al-Bukhari. « Lan yudkhila ahadakumul jannata amalu. Qalu, wala anta ya Rasulallah. Qala, wala ana, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. » Donc là, je fais un petit topo traduction, c'est plus Cheikh Al-Boutier, Rahimallah, qui parle, c'est moi. Au dernier cours, j'ai traduit ce hadith en disant « Aucun d'entre vous n'entrera au paradis par ses œuvres. » C'est à peu près ça, mais je vais nuancer un peu plus. Plus précisément, c'est plutôt « Vos actions ne feront entrer aucun d'entre vous au paradis. » Ils demandèrent « Pas même toi, ô envoyé d'Allah ?» Il répondit « Pas même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. » Ça, ce sont les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Avant de le citer, je vous ai montré un lit pour la science qu'on doit connaître en ce qui concerne la doctrine de l'unicité. Maintenant, les frères, la compréhension de ce hadith n'est-elle pas claire ? Si, je pense. Remarquez la précision des paroles de notre maître, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit « La niutrillallahu ahadakumul jannata bi'amali ». C'est-à-dire qu'il n'a pas dit « Allah ne fera entrer aucun d'entre vous au paradis par ses œuvres ». Il n'a pas dit ça. Au contraire, Allah fera entrer l'homme par ses actes. Entrez au paradis pour ce que vous œuvriez. Mais qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ?« Lan yudkhila ahadakumul jannata amalo. » Vos actions ne feront entrer aucun d'entre vous au paradis. Donc si tu laisses la miséricorde d'Allah de côté, et si tu dédaignes la générosité d'Allah, son pardon envers toi, sa satisfaction, et que tu dis « Non, moi j'ai des actions qui me rendent indépendant de tout ça. » Sache alors que tes actes te décevront grandement et ne te feront pas entrer par eux-mêmes au paradis. Tes actes ne sont pas le prix que tu dépenses comme le prix que tu dépenserais pour un jardin que tu aurais acheté, de telle sorte que si son ancien propriétaire refusait de quitter les lieux, tu intenterais un procès contre lui. Tu te plaindrais au président qui l'expulserait alors pour te donner le jardin. Non, non, non. Voilà le sens des paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Vos actions ne feront entrer aucun d'entre vous au paradis. Allah le fait entrer au paradis. Allah te fait entrer au paradis par ses actions. Et ce par, c'est la miséricorde d'Allah qui l'a amené et qui lui donne sens, ce par ses actions. C'est la générosité d'Allah, c'est la grâce d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Oui, le Créateur t'ordonne, puis il t'ouvre la poitrine, puis il te facilite les choses, puis quand tu te trouves impuissant, c'est lui qui te donne la capacité de vrai, de te prosterner. Il te donne l'argent pour ensuite te dire « Man dhallazi yuqridu Allaha qardan hasana ?» Qui donc pour prêter à Allah un bon prêt ? Eh ben, c'est lui qui possède tout, puis il te demande « Veux-tu me prêter une partie de ce que tu possèdes ?» Est-ce que c'est croyable ? Allah t'emprunte de l'argent. T'imagines ? Imagine-toi un homme qui te dirait « Par Allah, aujourd'hui, j'ai prêté 1 million de livres au Seigneur de l'univers. » Tu vois ? Ce propos est enivrant, si tu vois les choses de cette façon. Ce propos est en fait plein de la gentillesse, de la douceur d'Allah, le Tout-Puissant. Tu y as vraiment cru, toi, que l'argent était à toi et que tu en prêtais à Allah ? L'argent, il est à qui ? C'est l'argent d'Allah. N'a-t-il pas dit, en effet, « وَأَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ » C'est-à-dire, et donnez-leur de l'argent d'Allah qu'Allah vous a donné. L'argent, il est à qui ? Il est à Allah. N'a-t-il pas dit « وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ » Et faites largesse et dépensez de ce sur quoi il vous a désigné lieutenant. Je te mets au défi de me trouver dans tout le Coran un verset qui te lie à l'argent par une relation de possession réelle, du tout. Et malgré ça, Allah dit « Qui donc prête à Allah un bon prêt ?» Quand Allah t'emprunte, ça voudrait dire que tu possèdes l'argent. Sinon, le Créateur ne serait pas emprunteur. Le sens, nous l'avons compris maintenant. Ceci est une douceur, une affection d'Allah envers toi. Il te donne l'argent alors que c'est lui qui le possède. Il t'en donne la charge, il te nomme lieutenant sur cet argent, et c'est lui qui le possède, et c'est lui qui te possède avec lui. Pour solliciter ton affection, il te dit « Veux-tu me prêter une partie de cet argent que tu détiens ? Et je te promets de te le multiplier par 10 ?» Vois à quel point Allah est généreux, précautionneux et délicat avec toi. Tu ne peux pas venir comme ça et dire « Oh, c'est dans la poche, je suis propriétaire, je possède. » Tu dois répondre « Oh Seigneur, cet argent est tien, chaque don est tien, je suis en ta possession, mes habits sont en ta possession, mes pièces sont en ta possession, oui. Et je finirai par revenir entièrement vers toi. Tout ceci, tout ce que tu m'as donné n'est que grâce de ta part, oui. Voilà comment doit être le raisonnement de l'esclavage, de la servitude. C'est le raisonnement de la reconnaissance de la grâce d'Allah, pureté et toute puissance à lui. » Donc, nous avons goûté au propos de notre maître, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et nous l'avons saisi. Vos œuvres ne feront entrer aucun d'entre vous au paradis. Autrement dit, les œuvres, si elles sont considérées de manière indépendante, comme un prix, eh bien ces œuvres ne feront entrer personne au paradis. Voilà la raison, nous l'avons comprise. Ils ont dit « Pas même toi, au messager d'Allah ?» Il répondit « Pas même moi. » Quelle est la nuance ? Par la miséricorde d'Allah, il m'est permis de faire ce que je fais. Et par la grâce d'Allah, je me réveille la nuit pour prier. Et par la générosité d'Allah, je marche sur son chemin. Et sur cet aspect-là, il n'y a aucune différence entre un prophète, un homme très pieux ou un homme quelconque. Aucune. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté « Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde ». Autrement dit, les gens qu'Allah le Tout-Puissant ennoblit en leur accordant les jardins de l'éternité, et nous lui demandons d'en faire partie, eh bien, ces gens-là, il leur accorde ça par miséricorde de sa part. Par miséricorde. Y a-t-il une contradiction entre le fait qu'Allah, le Très-Haut, te fasse entrer au paradis par sa miséricorde et le fait qu'il t'ordonne de l'adorer ? Y a-t-il une contradiction ? Non. Il t'ordonne de l'adorer, tu l'adores. Et cette adoration ne constitue pas, par essence et en tant que tel, un prix pour le paradis. Mais le prix par lequel Allah te fait entrer au paradis, c'est sa miséricorde envers toi. Remarque la parole d'Allah, le Très-Haut. Et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai donc pour ceux qui pratiquent la piété et acquittent l'impôt, la zakat, pour ceux qui sont croyants en nos signes. Quelqu'un pourrait dire, si je suis croyant et pieux, qu'est-ce que j'en ai à faire de cette miséricorde ? J'entre par justice ? Mais non, Allah n'a pas dit ça. Et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai donc aux croyants, aux pieux. Et même si tu étais dans la piété d'Allah, de ta petite enfance au jour de ta mort, tu ne pourrais pas faire sans la miséricorde d'Allah le Très-Haut. Jamais. De quelque manière que ce soit. Ce raisonnement, nous en avons pris connaissance, les frères. Maintenant, revenons sur le propos d'Ibn Ata'illah, من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. Parmi les signes qui montrent que l'on compte sur ses œuvres, il y a le fait que l'espoir diminue quand on commet des erreurs. Ne t'avise pas de compter sur tes œuvres. Ce qu'Allah t'a ordonné, tu te l'ordonnes. Ce qu'Allah t'a interdit, tu te l'interdis. Et si tu espères, si tu as envie de la miséricorde d'Allah, fais en sorte que dans ton espoir de la récompense d'Allah, tu comptes sur sa grâce, sa générosité, pas sur tes actions, tes œuvres, jamais. Si tu établis tes œuvres en tant que prix, tu réaliseras que ces œuvres sont d'une extrême futilité. Quel service as-tu rendu à Allah pour lui dire « Voilà, je t'ai donné le prix et rien n'y manque ». Ton espoir en la miséricorde d'Allah doit toujours, toujours se baser sur sa grâce. Ça, c'est bon. De même, ta peur de la colère d'Allah, le Tout-Puissant, doit être en rapport avec tes manquements vis-à-vis de lui. Ça, il le faut. Si un homme qui priait des prières surrogatoires la nuit s'arrêtait de le faire et ne se réveillait plus que pour la prière du Fajr, si cet homme-là te dit « je priais la nuit et certainement j'avais beaucoup de hasanat, beaucoup de bonnes actions à mon compteur, maintenant les bonnes actions ont disparu, peut-être que la moitié a disparu, puisque je ne fais plus ces prières de nuit », tu vois ces paroles. Ce que cet homme s'imagine montre que lorsqu'il espère la miséricorde et la grâce d'Allah, son espérance est fondée sur ses œuvres. Et lorsque tu comptes sur tes œuvres personnelles, ceci est une sorte d'association à Allah qui a fait son chemin et qui a infecté la croyance en l'unicité d'Allah dans ton cœur. Fais attention. C'est vrai que tu peux faire preuve de manquement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le sens de mes paroles n'est pas de dire par Allah, si ce que l'on espère est la miséricorde d'Allah, c'est bon. Que je fasse ou que je ne fasse pas, que je prie ou pas, que je jeûne ou pas, que j'œuvre ou pas, qu'importe. Moi, j'espère la miséricorde d'Allah. Non. Ce n'est pas le sens des paroles d'Ibn Rata'il, ni des savants de la doctrine de l'unicité. Le Créateur Tout-Puissant a dit « Et ma miséricorde embrasse toute chose ». Puis qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il la prescrirait pour tout le monde ou pour des groupes particuliers de gens? Pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui le craignent, tu dois le craindre, tu dois marcher vers la guidance sur le chemin d'Allah, et tu dois en même temps savoir que c'est par sa miséricorde que tu entres au paradis. Voilà comment se formule la servitude, l'esclavage vis-à-vis d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Notez bien le sens de ces paroles, mes frères, qu'une personne ne vienne pas dire ensuite « Ibn Rattal nous trompe, il nous rend séduisante l'idée de faire preuve de manquement dans les actes d'obéissance, et que nous nous attachions à notre espoir dans la miséricorde d'Allah, pureté et toute puissance à lui ». Si cette compréhension était exacte, on aurait d'autant plus dû comprendre la même chose des paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. N'a-t-il pas dit « Vos œuvres ne feront entrer aucun d'entre vous au paradis » jusqu'à avoir répondu quand ils lui ont demandé « Pas même toi » jusqu'à avoir répondu « Pas même moi » Bon, mais est-il concevable qu'un compagnon rétorque « Bah alors à quoi bon œuvrer ? Nous on s'accroche à la miséricorde du Créateur et on dit « Yallah !» Mais le Créateur, à lui la toute-puissance, a dit « Ma miséricorde est suspendue, sauf pour quiconque m'obéit, mon pardon est suspendu, sauf pour quiconque marche sur mon chemin. Marche donc sur son chemin, réponds à ses ordres. Interdis-toi ce qu'il t'interdit tant que tu peux. Et malgré ça, tends la main pour demander secours à Allah en comptant sur sa grâce, sa miséricorde, sa générosité. Voilà ce que nous devons savoir, les frères. Par exemple, le Créateur a mis à mon cou la responsabilité d'effectuer des devoirs. La prière, le jeûne, l'aumône, les actes de bienfaisance, le fait d'assister à ce genre d'assises avec les frères. Il m'a donné ses ordres. Ça, c'est le fait de l'esclavage. C'est le tribut de ma servitude, de mon esclavage vis-à-vis d'Allah. Le tribut de mon esclavage, un point c'est tout, et rien de plus. Allah, le Tout-Puissant, peut tout à fait me dire s'il le désire, fais ceci, fais cela, pour, en fin de compte, me jeter dans son châtiment. N'est-ce pas qu'il le peut? Si, il le peut. Le Créateur, à lui la toute-puissance, fait ce qu'il veut. Et personne, absolument personne, ne peut faire appel de son jugement. Donc, moi, par le fait de mon esclavage, je m'exécute aux ordres d'Allah. Et c'est le tribut de cet esclavage. Je m'exécute dans ses ordres pour ensuite ouvrir les yeux, pour ensuite regarder le ciel et dire « Allahumma inni abduk, ibn abdik, wabn amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk. » اللهم لا تعاملني بما أنا له أهل بل عاملني بما أنت له أهل. Autrement dit, ô Seigneur, je suis ton esclave, ton serviteur, fils de ton serviteur et fils de ta serviteur. Mon front est entre tes mains. Tes décisions me concernant se réalise sans recours. Tes décrets vis-à-vis de moi sont justice. Je te demande ta miséricorde. N'agis pas avec moi comme il me sied, mais agis avec moi comme il te sied. N'as-tu pas dit au Seigneur, dit, chacun agit selon sa nature, son essence. Ta nature est la miséricorde. Fais-moi donc miséricorde. Ta nature est le pardon. Pardonne-moi donc. Je ne dis pas avoir fait quoi que ce soit. J'ai juste payé le tribut de mon esclavage. Et si seulement j'avais pu le payer vraiment comme il se doit, j'ai payé une part très très négligeable de ce tribut. Et maintenant je suis dans le besoin. J'ai besoin de ta générosité, tel le mendiant qui s'arrête devant les riches, qui leur demande de le secourir par la nourriture et l'argent. Voilà comment doit être la servitude vis-à-vis d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et voilà le sens de la parole de notre maître, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « Vos actions, vos œuvres ne feront entrer aucun d'entre vous au paradis ». Donc, à supposer que j'ai obéi à Allah, pureté et toute puissance à lui, que j'ai exécuté ses ordres, puis que j'ai fait preuve de manquement, je dois m'attrister grandement de mon état, bien sûr. Je dois prendre acte de ce manquement vis-à-vis d'Allah. Je dois savoir que je suis exposé à la punition d'Allah. Mais il est impératif que mon espoir de la miséricorde d'Allah ne faiblisse pas à cause de ce manquement. Parce que dans le cas contraire, cela voudrait dire que je compte sur mes œuvres. Que faire alors? Le jour suivant ce manquement, tu dis « Ô Seigneur, j'ai fait preuve de manquement et je m'en repens. Alors Seigneur, pardonne mon péché et laisse de côté mon manquement. » Puis crois fermement qu'Allah a répondu à ton invocation, a réalisé ton espoir et t'a prescrit une récompense équivalente à ce que tu as raté à cause de ce manquement. L'important, c'est que tu sois avec Allah et que tu te tournes vers lui. Tu te remets à prier la nuit, à fournir l'effort que tu fournissais auparavant, parce que c'est ça la servitude vis-à-vis d'Allah, et c'est ça son tribut. Dans un hadith qudsi authentique, dont nous avions vu l'explication il y a quelque temps, et qui se trouve dans le livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, Allah, tout-puissant, a dit «Aznaba abdi dhamban, faqala, ey rabbi, laqad aznamtu dhamban, farfir li dhambi. يقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت لعبدي ثم يذنب مرة أخرى ذنبا ثانيا يقول أي ربي لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي يقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت لعبدي ثم يعصي الثالثة ويقول أي ربي لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء فقد غفرت له. Allah dit, mon serviteur a commis un péché. Puis il a dit, Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-moi donc ce péché. Allah dit alors, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui punit par le péché et qui le pardonne. J'ai pardonné à mon serviteur. Puis le serviteur commet un deuxième péché et dit, Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-moi donc mon péché. Allah dit alors, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui punit par le péché et qui le pardonne. J'ai pardonné à mon serviteur. Puis le serviteur désobéit une troisième fois et dit, Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-moi donc mon péché. Allah le Tout-Puissant dit alors, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui punit par le péché et qui le pardonne. J'ai pardonné à mon serviteur. Et que mon serviteur fasse ce qu'il veut, je lui ai pardonné. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si Allah, le Tout-Puissant, te gracie, te pardonne, c'est par sa délicatesse. Et s'il te punit, c'est par sa justice. Il peut tout à fait te châtier. Tu es son esclave. Il peut le faire dans tous les cas, même si tu lui obéis. Que dire alors si tu lui désobéis? Oui. Donc l'homme qui, par exemple, a désobéi à Allah le Tout-Puissant, fait preuve de manquement vis-à-vis de ses devoirs, eh bien cet homme-là ne doit pas dissimuler son visage de la miséricorde d'Allah. Cette miséricorde vient par le biais de ton retour vers Allah et l'exposition du sens de ton esclavage entre ses mains. Par sa miséricorde, Allah, pureté et toute puissance à lui, te pardonne. Oui, tu dois connaître cette vérité. Ces paroles, c'est notamment les jeunes qui doivent les comprendre. Ces jeunes dont beaucoup se sont noyés dans les distractions, l'oubli, la désobéissance d'Allah. Peut-être même avec des péchés tellement graves que certains de ces jeunes se disent « J'ai désobéi à Allah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Bon, à la base, il ne devrait pas dire ce qu'il a fait. Mais le pauvre, son cœur est tellement brûlé qu'il le dit. Et il s'imagine qu'Allah ne lui pardonnera pas. Tu lui dis, mon frère, Allah peut te pardonner. Il te répond, non, non, non, moi j'ai fait ça et ça et ça, et mon péché est grand, et Allah ne va pas me pardonner. Et ces jeunes garçons, peut-être même ces jeunes filles, s'imaginent souvent que ce péché est en fait beaucoup trop grand pour le pardon, beaucoup trop grand pour être pardonné. En réalité, ces gens-là comptent sur leurs œuvres, et ça c'est une erreur. Qui es-tu? Et que sont tes actes d'obéissance pour que tu t'imagines que si tu en faisais, tu serais immunisé contre le châtiment d'Allah? Donc pour toi, ces actes d'obéissance sont une grande chose, et ça, c'est une erreur. Bon, peut-être nous reste-t-il encore quelques mots à dire sur ce thème, ce sera la prochaine fois, Inch'Allah. Je pense que maintenant, les questions des frères qui en ont envoyé avec quelque peu d'empressement ont trouvé leur réponse. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.